Chapitre 26e. Éléonore de Guzman, reine de Castille. 1. La chasse du roi Don Alphonse XI. L'histoire de cette reine semble un poème détaché du Romancero. Elle est de l'époque de ces légendes rimées où retentit le choc des épées de Roland et de Ferragus, de Renaud de Montauban, du duc de Milan et de Montesinos. C'est le XIVe siècle dans toute sa turbulence et sa barbarie féodale. La galanterie voyage en croupe avec la chevalerie, et l'amour chez le roi est un événement politique. Don Alphonse, roi de Castille, était renommé pour son amour de la justice et son caractère impitoyable, et on l'avait surnommé le Vengeur. Il avait, tout jeune encore, épousé Constance, fille du roi de Portugal, princesse renommée pour ses vertus, mais qui n'avait pu adoucir ni captiver le cœur de son mari, et vivait enfermée dans son palais. Aussi l'humeur sombre du roi le poussa sans cesse à la guerre ou à la chasse, seul plaisir digne d'un prince. Don Alphonse, surnommé le Vengeur, est sorti de sa belle ville allant à la chasse. Avec lui vont les chevaliers de sa garde, avec lui ses fauconniers et leurs oiseaux, ses veneurs et leurs chiens. La journée est chaude, c'est la veille de la Saint-Jean. Il s'arrête dans un bosquet pour se rafraîchir. Il ordonne à tous de s'asseoir au bord d'une fontaine. Des viandes toutes préparées sont servies sur l'herbe. Le repas terminé, ils se mirent tous à parler de chasse, quand tout à coup ils entendirent un grand bruit qui sortait d'entre les arbrisseaux. Tous prêtèrent l'oreille. C'était un cerf haletant de soif qui venait boire. Les chasseurs se levèrent et lâchèrent les chiens, et bientôt tout le monde fut à cheval pour la poursuite. Chacun se sépara ainsi des autres, selon la vitesse de son cheval, et sans prendre garde au roi Don Alphonse. Le cerf était très léger. Il leur fit faire bien du chemin, et malgré les qualités des chiens, ils ne purent le rejoindre. Le bois était fort épais. Tous se perdirent dans sa profondeur, si bien que la nuit les y surprit. Quand le roi se vit seul dans un bois si touffu, il erra çà et là, s'égara de plus en plus. L'obscurité de la nuit était grande. Un orage commençait à gronder. Alors le roi sonna de son cor pour appeler les chasseurs. Il sonna trois fois, mais sans être entendu. Son cheval était épuisé et ne semblait pouvoir aller plus loin. Le roi était très tourmenté. Il lui rendit les rênes et l'abandonna à son instinct. Le cheval était de race. Il reprit courage et courut plus de 10 000. Il sortit de la forêt et arriva dans un vallon. À peine Don Alphonse était-il rentré dans ce vallon lorsqu'il entendit non loin de lui de grands cris de détresse. Il en ressentit quelque trouble, mais aussitôt descendit de cheval et se dirigea vers l'endroit d'où venaient les cris. Il passa tout près d'un ruisseau où il vit un cheval mort avec son cavalier. Le chemin par lequel il marchait était couvert de sang. Il regarde de tous côtés. Alors la même voix qu'il avait déjà entendue s'élève de nouveau. « Ô Sainte Marie Notre-Dame, aie pitié de moi. Je te recommande mon âme. » Et il aperçut, au pied d'un gros chêne, une dame couchée qui se plaignait, dont il fut attendri. Elle était vêtue comme pour un voyage, et ses vêtements étaient ensanglantés. Il la considéra un instant à la dérobée, et elle était si belle qu'il s'étonna de la voir pour la première fois de sa vie, et se demanda si elle n'était pas reine de quelque pays voisin. Enfin il s'approche d'elle, et lui parle ainsi d'une voix émue. « Madame, « apprenez-moi votre mal et si vos blessures sont mortelles. »« Grand merci, Seigneur, » répondit la dame. « J'ai plusieurs blessures, mais la douleur que je ressens est de mourir en ce lieu désert. »« Rassurez-vous, madame, vous ne mourrez pas. Je suis le roi Don Alphonse de Castille. Je suis venu à la chasse et je me suis égaré, mais mes chasseurs ne tarderont pas à me rejoindre. Apprenez-moi votre nom et comment vous êtes dans cet état. »« Seigneur, » dit-elle, « je suis fille de Pedro Núñez de Guzman et femme de Don Juan de Velasco. J'étais en voyage avec mon mari. Arrivés dans cette forêt, nous avons été attaqués par des bandits. Mes serviteurs ont pris la fuite après avoir essayé de résister. Don Juan a été tué en me défendant, à quelques pas d'ici. Dieu sait ce qui serait advenu de moi si le son d'un cor qui retentit par trois fois aux environs n'avait alarmé les voleurs et les avait décidés à prendre la fuite. Je rends grâce à Dieu, madame, qui me permit de sonner du cor et de vous délivrer. » Comme il disait, un grand bruit retentit à la lisière de la forêt et dans le vallon. Le roi y répondit aussitôt par un appel de son cor d'ivoire. Les chasseurs accoururent, effrayés d'abord par les traces du combat qu'ils voyaient sur le chemin, et la rencontre du cheval que le roi avait abandonné. Mais Don Alphonse les rassura aussitôt, puis il prit la dame en croupe sur son cheval et la conduisit dans son palais. 2. Les deux reines. Éléonore de Guzman était dans la fleur de la jeunesse et l'éclat d'une merveilleuse beauté. Le roi Alphonse éprouva tout d'abord pour elle l'amour le plus violent. D'un caractère altier, il ne garda aucun ménagement pour Constance et ordonna qu'Éléonore fût traitée avec tous les honneurs dus à la reine, tandis que Constance, disgraciée, était reléguée dans une partie obscure du palais. Dès lors, les bals, les festins, les tournois se succédèrent sans interruption à la cour de Castille. Éléonore en faisait les honneurs avec une grâce qui charmait les seigneurs et les dames elles-mêmes et inspira au roi la pensée d'un divorce. Martinez d'Oviedo, grand maître d'Alcantara, s'étant permis de blâmer la conduite du roi, périt dans les supplices. Éléonore devint une idole devant laquelle il ne fut pas prudent de ne pas s'incliner. En 1332, elle eut l'idée de former un nouvel ordre de chevalerie qui prit le nom d'ordre de la Bande. Pour en faire partie, il fallait être noble, avoir servi 10 ans le roi, être distingué par sa politesse et sa galanterie. Le but déclaré de cette création était l'adoucissement des mœurs d'une noblesse encore barbare, la répression des actes de violence et des cruautés. Comme le disait Voltaire, Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Mais Éléonore avait encore un autre but, celui de se former un parti puissant, une garde d'hommes dévouée. Le roi, dont le caractère dur et sauvage semblait déjà s'adoucir, applaudissait à ses desseins, et la nouvelle reine mit le comble à son bonheur en lui donnant 2 fils jumeaux. L'un de ses enfants fut Henri de Trastamare et régna sur l'Espagne. L'autre, Frédéric, fut grand maître de Saint-Jacques. Ses nouveau-nés devinrent les préférés d'Alphonse et lui firent négliger le fils que lui avait donné Constance et qui, plus tard, fut célèbre sous le nom de Pierre le Cruel. Pierre grandissait ainsi près de sa mère délaissée, ne pensant qu'à atteindre l'âge où il serait assez fort pour manier une épée et la venger. Tandis que l'on ne songeait qu'au plaisir à la cour d'Éléonore et qu'on n'y échangeait que des propos galants, dans une aile obscure du palais, une femme et un enfant n'échangeaient que des paroles de haine et ne respiraient que la vengeance. Vêtue de deuil, en apparence résignée à son veuvage, Constance demandait matin et soir au ciel de lui permettre de vivre assez vieille pour voir la mort d'Alphonse, faire proclamer son fils Pierre, seul héritier légitime, et envoyer Éléonore au gibet. Elle se renfermait, dissimulait son existence et celle de son fils. Elle n'avait qu'une crainte, c'est qu'Alphonse ne se souvînt d'elle et de Pierre, et n'eut recours, pour se débarrasser de sa présence importune, au divorce ou au poignard. Elle redoutait moins Éléonore, dont la bonté et la douceur lui étaient connues. Et plus d'une fois, dans le cours des 20 années qui s'écoulèrent ainsi, Éléonore, rencontrant par hasard cette répudiée, enveloppée d'une cape sombre et sans ornement, frissonna de peur sous son regard chargé de haine. Plus d'une fois, elle songea avec terreur au conte que ce fantôme royal, ce spectre de reine, pourrait lui demander un jour. Mais Henri et Frédéric étaient devenus des hommes, des princes vaillants qui chérissaient leur mère et sauraient la protéger. Elle se reposait sur cette espérance. D'un mot, il lui eût été facile de supprimer l'objet de ses terreurs secrètes. Alphonse n'avait pas cessé de l'aimer. Elle fut assez généreuse pour garder le silence. Enfin, un soir d'automne de 1350, le palais de Madrid retentit d'exclamations de douleur. À la suite d'une chasse dont les fatigues étaient alors au-dessus de ses forces, le roi était rentré malade et avait été obligé de garder le lit. Ses médecins ne cachaient point leurs inquiétudes et reconnaissaient l'impuissance de leur art. Dans la chambre à coucher du roi éclairée de chandelles de cire, veillaient Éléonore, ses fils et quelques seigneurs. Un évêque qui venait d'entendre la confession d'Alphonse et un des prêtres récitait à genoux les prières que l'on dit pour les morts. Quand tout à coup, un jeune homme, vêtu d'un costume noir d'une grande richesse, l'épée au côté, l'air altier sombre, s'avança dans la chambre. « Mes seigneurs, dit-il, la reine !» Presque aussitôt Constance apparut sur le seuil. Il y eut un mouvement de surprise chez tous à cette apparition, et un mouvement de frayeur chez Éléonore. Pâle, elle se leva et se rapprocha du lit du mourant. Pierre, suivi de sa mère, s'arrêta au milieu de la chambre. « Seigneur évêque, dit-il, Je croyais qu'à cette heure, la place de la reine et légitime épouse était celle qu'occupe cette femme. » Éléonore regarda le roi. Les lèvres blêmes de celui-ci s'agitèrent, mais sans pouvoir proférer une parole. L'évêque était embarrassé. Lui aussi, pendant 20 ans, il avait oublié Constance. Henri de Transtamare et Frédéric s'étaient placés près de leur mère, debout. Ils attendaient l'arrêt de l'évêque, et du regard semblait aussi vouloir le lui dicter. Quand soudain le roi expira. « Seigneur, dit l'évêque, le roi Don Alphonse est mort. Prions tous pour le repos de son âme. » Tout le monde se mit à genoux à la place qu'il occupait et répéta la courte prière prononcée à voix haute par le prélat. La prière faite, Constance se leva et prenant son fils par la main. « Mes seigneurs, dit-elle, le roi, mon époux, est mort. Son fils légitime lui succède. Vive le roi Pierre !»« Vive le roi Pierre !» répondirent plusieurs voix. Éléonore se sentit perdue. Elle se retira lentement, dignement, de la chambre mortuaire, suivie de ses deux fils et de quelques serviteurs. Quelques instants plus tard, le palais et la ville retentissaient des acclamations qui saluaient le nouveau règne, tandis que Frédéric et Henri faisaient de vains efforts pour allier leurs partisans. Les sympathies, les amitiés même étaient désarmées par la loi. Le règne d'Éléonore ne pouvait survivre à Alphonse, cette conviction était générale. Tout le monde regrettait Éléonore, mais acclamait le fils inconnu de Constance. Cependant leur mère, déjà victime de l'ingratitude de la cour et qui ne pouvait douter du sort que lui réservait sa rivale victorieuse, se préparait à la fuite et les faisait chercher aux quatre coins de Madrid. Elle ne pouvait croire qu'ils avaient fui sans elle. Elle était sûre de leur affection. Et cependant les avis de ses serviteurs qui lui rendaient compte de minute en minute de ce qui se passait au palais et dans la capitale, lui firent comprendre l'imminence du danger qu'elle courait. D'un côté, ses chevaux et ses guides l'attendaient, de l'autre, des soldats, autrefois ses gardes, venaient de recevoir l'ordre de l'arrêter. Il fallait fuir. Elle s'y résigna et partit sans ses enfants. Frédéric et Henri, lorsqu'une heure plus tard ils vinrent prendre de ses nouvelles, ne purent même savoir la direction qu'elle avait prise. Les uns leur indiquaient la Navarre, les autres Tolède. Constance, tout entière alors à la vengeance et frémissant à la pensée qu'elle pouvait lui échapper, s'informait de son côté et dans son impatience envoyait des cavaliers sur toutes les routes. Bientôt les fils d'Éléonore n'étaient plus en sûreté à Madrid. Suivis d'un petit nombre de partisans, ils allaient essayer de former une armée et de soulever une province. Plusieurs jours se passèrent ainsi sans qu'ils pussent être éclairés sur le sort de leur mère. Mais Constance avait été plus heureuse. Elle avait appris que la fugitive avait gagné Tolède, et ne s'y trouvant pas en sûreté, tentait de mettre entre elle et l'ennemi les hautes murailles de la Sierra Morena. Elle la fit suivre, certaine de l'atteindre. En effet, aussitôt qu'elle vit le pouvoir de son fils affermi, elle n'hésita plus à quitter Madrid et partit avec le jeune roi pour rejoindre Éléonore. C'était un long voyage, mais la haine comme la peur donnent des ailes. Éléonore était à Séville. Dans ce paradis de l'Espagne, cette dernière vivait dans la retraite et commençait à se rassurer. La longue distance qui la séparait de Madrid, l'obscurité de sa vie, son silence qui la laissait presque inconnue dans son nouveau séjour, semblaient l'abriter contre les desseins de son ennemi. Ayant appris que ses enfants tenaient la campagne en Castille, elle leur avait fait porter une lettre où elle les engageait à se soumettre et à venir la rejoindre. Elle ne vivait plus que dans l'espérance de les revoir et les attendait de jour en jour. Elle était dans ses sentiments lorsqu'un soir du printemps 1351, tandis qu'elle respirait sur la terrasse de son jardin l'air rafraîchi et chargé du parfum des fleurs, un bruit de fanfare et d'acclamation arriva jusqu'à elle. D'où provenait ce bruit insolite? De l'arrivée de quelques princes, sans doute. Elle pensa à ses deux fils et son cœur bondit de joie. Elle appela une de ses femmes, mais tout le monde était dehors. Avec quelle angoisse elle attendit leur retour. C'était un événement considérable. Aux clameurs qui parvenaient jusqu'à elle, elle n'en pouvait douter. Dès que ses domestiques rentrèrent, « Qu'est-ce ? » leur demanda-t-elle. « Quoi de nouveau à Séville ?»« Madame, il y a le roi et la reine qui viennent d'arriver. »« Quel roi ? Quelle reine ? » ?»« Le roi de Castille, Don Pedro et sa mère Constance. » Éléonore porta la main à son cœur, suffoquée de surprise et de terreur par cette nouvelle. « Ah ! » s'écria-t-elle. « Je sais pourquoi. Je suis perdue. C'est les Mamules. préparer mes bagages. Vains efforts, soins inutiles. Tandis qu'elle courait affolée dans son appartement, de nombreux cavaliers s'arrêtaient devant sa maison dont ils gardaient les issues. Constance et Pierre les commandaient. Alors l'infortunée, remerciant ses serviteurs, repoussant les effets amoncelés dans sa chambre, s'agenouilla à son prie-Dieu et attendit. Son attente ne fut pas longue. Des hommes de mine sinistre s'élancèrent dans sa chambre, puis s'écrièrent à sa vue « Venez, madame, elle est là !» Constance parut à son tour. « Ah ! » fit-elle, illuminée par une joie cruelle. « Vous ne m'attendiez plus sans doute. Mon mari, que vous avez séduit et trompé, s'appelait le vengeur ou le justicier. Je veux montrer au monde que je fus sa digne épouse et que j'ai hérité de ses vertus. Ma justice est lente. Elle a attendu 21 ans, mais elle est inévitable. » Éléonore, les yeux tournés vers sa madone, ne répondait rien et continuait à prier. « Si je vous rendais, reprit la reine, tout le mal que vous m'avez fait, si le châtiment pouvait être égal à vos crimes, il me faudrait longtemps prolonger votre supplice, mais les châtiments éternels n'appartiennent qu'à Dieu. » « Madame, dit alors la condamnée, avez-vous ici un prêtre ?»« Non, répondit Constance, l'enfer vous attend. »« Par grâce, au nom de Dieu, implora Éléonore, ayez pitié du salut de mon âme. » Constance, troublée par un scrupule religieux, hésita un instant. Mais cet instant fut rapide comme l'éclair. Elle se tourna vers son fils, qui, muet et impassible, assistait à cette scène. Il ressemblait à son père, et Éléonore put le voir à la froide cruauté écrite sur son visage. « Non, fit le roi, finissons. » Éléonore jeta un cri d'indignation et de désespoir. Alors, sur un signe de Constance, deux des hommes sinistres qui l'avaient précédé se précipitèrent vers la victime. Ils lui passèrent une corde au cou et l'étranglèrent. La reine et son fils considérèrent froidement cette exécution ou cet assassinat, et quand la mort eut glacé la victime, ils se retirèrent, laissant à leurs gens le soin de piller la maison. Restait à Henri de Trastamare de venger sa mère.